Grand 3. À 7 heures, j'étais donc à plus d'un kilomètre de mon gîte. Tout là-bas, devant l'hôtel de ville, sur le champ de Mars que bordent les jardins publics, et je n'y étais pas seul. 3600 de mes pareils grouillaient autour d'une cinquantaine d'officiers. L'effectif de 18 compagnies venues de tous les coins de la France, pour se fondre en un seul corps. Chaque commandant d'unité ralliait ses hommes de son mieux, ce qui, dans cette foule uniforme, n'était pas très aisé. Le nôtre, le lieutenant Martial Hénard, était des plus actifs et des plus énergiques. De taille moyenne, il avait la démarche souple, le pas élastique, les épaules larges, la poitrine bombée, le buste en avant d'un bon gymnaste avec la tête blonde et fine, déjà un peu mûri, d'un élégant Saint-Cyrien. L'œil vif, le regard direct, témoignant d'une noble ardeur, la voix chaude et vibrante aussi prompte à l'éloge qu'au blâme. Son sang généreux que sa blessure, encore ouverte, semblait rafraîchir, et non épuisé, entretenait en lui une animation perpétuelle. Un bon chien de berger n'eût pas réuni son troupeau plus vite qu'il nous eût rassemblés. La présence de notre sous-lieutenant, non loin de lui, le servait à vrai dire dans cette circonstance. Monsieur Houssine, échappé lui aussi de Sedan, comme simple adjudant, avait reçu l'épaulette en rentrant au dépôt. Sa dignité récente le tenait à distance de la troupe. Il paraissait tellement oublié qu'il était issu de cette catégorie subalterne qu'il traitait les hommes très dédaigneusement. Mais il était grand et avait les cheveux d'un rouge éclatant, ce qui nous guidait. Quel que fût le point de repère de chacun, l'ordre sortit en moins d'un quart d'heure de ce chaos humain. 18 doubles lignes vivantes s'espacèrent sur l'étendue du champ de Mars. Sous la direction du lieutenant-colonel Koch, venu du 1er régiment étranger, les compagnies furent réparties en 3 bataillons, dont le commandement fut confié au commandant Bourrel, naguère major de place à Perpignan, au commandant Chambaud, tiré des capitaines du 5e de ligne, et au capitaine Rengagé David, intrépide vieillard de 70 ans, qui ne redoutait pas d'affronter les fatigues d'une dure campagne d'hiver. Le 48e régiment d'infanterie de marche était constitué. En tout pareil aux héroïques légions détruites autour de Sedan et de Metz, il lui manquait pourtant ces 2 fiers ornements, dont l'un provoquait le sourire et l'autre imposait le respect, suscitait l'enthousiasme. Pas de tambour majeur à voir parader en tête de la colonne, point de drapeau, et hélas, à entendre frissonner glorieusement au milieu des rangs. Tel quel, il lui fut accordé un court délai pour régler les derniers détails de son organisation, pour assurer la soudure de ses éléments, et par cela veille, inconnus les uns aux autres pour permettre enfin à l'état-major de tâter et d'assouplir ce corps fait de milieu d'hommes, et de lui donner en même temps quelques cohésions, de lui infuser l'esprit de solidarité, l'amour collectif, qui pousse hardiment vers le danger et apprend à braver la mort. 5 jours pour accomplir œuvre pareille, c'était peu, et il fallut s'en contenter. Tandis que chacun collaborait, selon son rôle, à l'œuvre commune de fusion et d'entraînement, en se montrant exact au rassemblement, attentifs et dociles durant les exercices, scrupuleux à établir les situations, les bons, les feuilles de journée, etc., tous, le devoir rempli, nous jouissions sans scrupule du dernier répit qui nous était accordé. Maintenant, le doute n'était plus permis. Il n'y avait plus de place pour l'impatience et l'énervement. À brève échéance, nous combattrions nous aussi. Il nous serait donné de tenir la campagne, de dormir à la belle étoile, de peiner et de souffrir pour la défense du pays. Pour le moment, nous goûtions l'agrément de déambuler dans une ville belle, élégante, animée comme au temps d'une paix heureuse, en songeant aux tristes étapes en pays dévasté. Nous savourions le plaisir de manger, assis, des mets servis proprement dans de la vaisselle, en prévoyant le renversement des marmites au bivouac et les repas de biscuits tout secs. Voluptueusement, nous prenions nos aises dans des lits chauds et douillets, frissonnant seulement à l'idée des prochaines nuitées, sur la terre humide ou gelée. Pourtant, les passions mesquines gâtaient par leur infiltration malsaine ces dernières heures de légitime bien-être. Le cadre subalterne de chaque compagnie forme un groupe d'hommes, qui à certaines heures rassemblent le service ou les nécessités matérielles, et que l'habitude maintient à peu près réunis le reste du temps. En un mot, c'est une petite société. Donc on s'y observe mutuellement, on s'y jalouse, on y médit les uns des autres, la charité servant rarement de lien aux réunions humaines. À Angers, la compagnie n'avait plus de sergent-major. Le nôtre avait été nommé adjudant à l'organisation du régiment. Les fonctions de chef étaient remplies par le sergent Fourier, camarade généreux, loyal, malgré quelques inégalités de caractère. Harel avait été mousse, je crois. Il avait alors 25 ans. Il était grand et beau, ses yeux, très noirs, s'enfonçaient sous un front bombé, proéminent et semblait par l'habitude des vastes horizons de la mer lancer des regards, d'une portée trop lointaine. Villiot, le doyen des sergents, était, quoique né à Marseille, simple, brave et modeste. Excellent soldat, bon camarade, supérieur affable, subordonné digne. Ayant éprouvé son courage à ses propres yeux dans la sanglante fournaise de Sedan et dans sa fuite périlleuse après la capitulation, il ne cherchait à en imposer à personne. Sa qualité d'ancien prévôt d'armes témoignait assez d'ailleurs qu'il n'avait rien à craindre d'un adversaire individuel. Sa complaisance et sa serviabilité n'en avaient que plus de prix. Elle ne se démentait jamais. Son compatriote Laurier ne lui ressemblait guère, surtout au moral. Moins grand, mais de traits plus réguliers, grassouillet, il offrait le type combiné du joli sergent et du vrai Marseillais. La face réjouie d'un gourmand, toujours propret, pommadé, reluisant, il était aussi glorieux que son nom, bien que le laurier serve à parfumer la soupe autant qu'à tresser des couronnes. Jamais oie venue de guêtres plus blanches, ni mieux ajustées que les siennes, sur un pied mieux cambré. Aucun mousquetaire n'eut l'allure plus avantageuse. Quels accroche-cœur que les bouts aiguisés et retroussés de ses moustaches noires, qu'il annonçait bien la hardiesse de langage et les propos vantards, que l'accent aïolé semblait du reste légitimer. Pluvier comme Roal nous était venu de Paris, mais il avait beaucoup plus de chances d'y retourner. Court, malingre, le nez déjà bourgeonnant, il grelottait avant d'avoir passé une nuit dehors, et se plaignait de rhumatisme sans avoir essuyé la moindre averse. Il était du nombre des Parisiens qui préfèrent regarder l'émeute derrière leur volet plutôt que d'aller la tenter ou la combattre sur les barricades. D'où Gouzy pouvait-il bien être originaire? Je ne sais. Il était un peu vantard comme Laurier, mais beaucoup moins freluqué. Quoique l'un des plus anciens gradés, il avait l'esprit subversif de Roal, qu'il rappelait par son jeune âge et sa longue taille dégingandée. Il avait, comme Naréval, la manie de pérorer devant les hommes. Quant à ce dernier, en prenant du galon, il s'était peu modifié. Plus circonspect dans l'étalage de son savoir, il était livré âprement à son ambition. Il goûtait moins la satisfaction d'avoir franchi les premiers degrés, qu'il aspirait inquiétement à en gravir d'autres. Aussi mettait-il son temps à profit pour tâcher d'acquérir, sur le champ de Mars, les premières notions du commandement, qu'il possédait à peine. Là, comme partout, Villiot était la providence de tous. Il manœuvrait fort bien, donnait l'exemple, entraînait, et de plus, prodiguait à chacun des conseils, au besoin un coup de main pour le paquetage des sacs, l'entretien du fusil, l'arrangement commode du fourniment. Pendant ce temps, Gouzy se contentait de développer, mais à provision, des conseils théoriques, tandis que Laurier se campait fièrement en retroussant ses moustaches sous l'œil des bonnes angevines, et que Pluvier constatait l'intensité progressive de ses rhumatismes. Harel, pour lui, contenait sa fureur avec peine à l'idée que sa comptabilité, confiée à mon inexpérience, n'avançait guère. Sans titre encore, j'étais en effet mêlé aux sous-officiers. Bien que je n'eusse même pas les insignes de caporal Fourier, j'en remplissais complètement les fonctions. De là, il faut l'avouer, les troubles qui agitaient notre petit groupe. La promotion de notre sergent-major, au grade d'adjudant, avait immédiatement allumé les convoitises de Laurier et de Gouzy, sans parler naturellement de Naréval. À leurs yeux, ils étaient légitimes que Harel passât sergent-major, avant-dernière et peut-être dernière étape, vers le grade de sous-lieutenant. Ils désiraient tous trois obtenir le grade de Fourier, avec le ferme espoir de suivre après lui le même chemin. Il leur déplaisait donc que la place me parut réservée. Et puisque je n'étais pas sous-officier, ils estimaient que leur désir devait primer mes droits. Avec cette idée, ils étaient vexés de voir leur doyen me traiter déjà en égal. Ils s'en expliquèrent avec eux à l'occasion d'un fin repas d'adieu organisé la veille de notre départ d'Angers. Villiot et Harel se contentèrent de hausser les épaules. Mais au dernier moment, le beau Laurier déclara tout net qu'il y allait de la dignité de son grade, à ne point s'attabler avec un simple caporal. Ces deux émules appuyèrent son avis par leur silence. Harel et Pluvier, au contraire, tout en se mettant à table, le traitèrent de ridicule, ce qui était insuffisant pour le faire capituler. Villiot, président de droit, ressentit davantage l'odieux d'une insolence que l'inégalité de grade m'empêchait de relever. Froidement s'asseyant à son tour et m'invitant à le limiter, il répondit à Laurier qu'il avait un bon moyen de sauvegarder sa dignité menacée. En même temps, il lui indiquait la porte. Ce geste interloqua notre chatouilleux sergent. Il eut bien bonne envie de nous punir tous, en nous privant de sa gracieuse personne. Mais le potage fumait dans les assiettes et une grosse volaille étalait au milieu de la table sa chair reluisante et dorée. Laurier était incapable de bouder contre son ventre. Il prit sa place sans expliquer, et à coups de dents, il se vengea sur le dîner.